Chapitre 13e. 4 ans plus tard. Celui qui s'aventurait sur le ranch G en 1877 devait avoir une bonne raison, et surtout montrer patte blanche. C'était devenu une vraie fourmilière. Une odeur entêtante vous poursuivait n'importe où vous alliez. Le pétrole coulait à flot depuis 4 ans. Qui aurait reconnu Patrick dans cet homme à la chevelure argentée et à la silhouette élégamment mise et élancée? Josh et Jessie, les jumeaux, avaient dépassé leur père d'une tête et étaient devenus des hommes. Ils formaient une entreprise prospère et florissante où l'argent rentrait et était aussitôt placé dans plusieurs banques de New York, Philadelphie et Boston. La famille Emerson se sentait fière de sa richesse due à son travail acharné et à sa bonne étoile. Le ranch était devenu gigantesque. Les Navarros contribuaient grandement à sa prospérité. Ils avaient pourtant gardé leurs chevaux, bien qu'ils ne chassassent plus les bisons qu'occasionnellement. Bison Ardent, désormais non réfractaire au progrès, se pavanait dans sa nouvelle acquisition, une calèche. L'arme de pluie disait que c'était une horreur, mais elle reconnaissait que c'était amusant de le se laisser transporter à plusieurs à travers la propriété. Elle et Patrick devaient partir à la fin de l'année pour l'Irlande. Bison Ardent se serait bien laissé tenter, mais dut renoncer. Il était le chef des Navarros et, en tant que tel, devait rester près de son peuple, ce qui constituait une excellente excuse pour décliner l'invitation. En effet, lorsque Patrick lui avait expliqué qu'il prendrait un bateau gigantesque et traverserait les océans, le visage de l'Indien s'était quelque peu fermé. Il n'avait jamais vu de mer de sa vie et n'aurait jamais admis la crainte qu'il ressentait d'être prisonnier d'un pareil moyen de transport. Patrick préparait leur voyage sans hâte. Il préférait mettre tous les atouts de son côté. Sa vengeance resterait encore à assouvir. Il avait l'intention de retourner sur la terre de ses ancêtres, cousu d'or, respecté par ceux-mêmes qui avaient décimé les siens. À 43 ans, c'était devenu un homme sûr de lui et surtout fermement décidé à acquérir la terre où il était né. L'arme de pluie était restée la même. Le temps n'avait pas laissé son empreinte sur elle. Toujours si belle, elle aimait son Patrick avec une force toujours aussi grande, nouvelle à chaque instant. Elle s'habillait désormais comme une femme blanche lorsqu'elle devait accompagner son magnat de mari dans les grandes villes ou dans les banques, les concerts, les cérémonies. Mais au ranch, elle remettait ses habits indiens et rien ni personne n'aurait pu les lui ôter. Elle se sentait toujours une Navarro. Patrick n'avait d'ailleurs jamais demandé à sa femme de changer. Il l'aimait comme elle était et ne lui avait jamais fait l'affront de la transformer en femme blanche. Il construisait peu à peu un empire, et l'avenir le démontrerait. La génération G, comme l'appelait Patrick, aurait fort à faire pour perpétuer la continuité du ranch. Ses deux jumeaux de 18 ans étaient presque des hommes, deux beaux jeunes gens qui déjà tournaient la tête aux jeunes filles. Ils étaient tenaces et courageux comme leur père et ne rechignaient jamais à mettre la main à la pâte. Après avoir donné tous ces ordres, la famille Emerson au complet embarqua sur le Liberté, navire de luxe à peine sorti des chantiers navals. Patrick se revit sur l'Espérance, le vieux rafio qu'il est sorti d'Irlande, Maureen et lui. Grand Dieu, combien de temps s'était écoulé! Combien d'horreurs avait-il subi depuis? Et combien de travail et de farouche volonté avait-il déployé pour réussir? Maureen n'en aurait pas profité, ni ses deux premiers petits, mais il aurait quand même construit quelque chose de ses mains, et il pouvait en être fier. Ils ne restèrent que quelques jours en Irlande. Le passé ressurgissait et était par trop pénible pour Patrick. Avant de partir pour la France, pays dont il avait souvent entendu parler et qu'il voulait visiter à tout prix, ils firent un détour par Londres. Patrick ne voulait pas s'attarder dans la capitale anglaise, mais il lui restait une chose à faire pour être en partie en paix avec lui-même. Ils descendirent dans l'hôtel le plus chic de la ville et, sitôt installé, il se rendit dans la plus grande des banques. Lorsqu'il revint à l'hôtel, un sourire radieux aux lèvres, l'arme de pluie sut que son mari avait eu gain de cause. Il lui avait parlé de son projet peu de temps avant de quitter l'Amérique, et celle-ci se félicita que ce dernier ait finalement abouti. Patrick réunit sa petite famille dans le salon de sa suite. Voilà, mes enfants. Désormais, ce petit coin d'Irlande où dorment mes parents ainsi que tous les membres de la famille Emerson est à nous. Oh, bien sûr, vous me direz que c'est un vulgaire bout de papier, mais pour moi, il a plus d'importance que toutes les richesses accumulées et à venir. Ce sont vos racines, et grâce à mon travail et aux terres de votre mère, nous les avons enfin récupérées et arrachées à ces maudits Anglais. N'oubliez pas, mes fils, cette terre devra rester d'à tout jamais dans notre famille. Personne, je dis bien personne, ne pourra jamais la revendre, la morceler, ou bien nous la reprendre. Que ce soit bien clair, elle est une partie de l'héritage que je vous lèguerai et que vous lèguerez à votre tour à vos enfants et petits-enfants. Je ne veux plus m'attarder en Angleterre. J'ai eu tout ce que je désirais de ces monstres. Nous partirons donc dès demain pour la France, ce pays de liberté dont j'ai tant entendu parler et que je rêve de visiter depuis si longtemps. La matinée était fraîche mais ensoleillée. Larme de pluie se tourna vers son mari. Faut-il vraiment reprendre un bateau si vite? J'ai l'impression que tu ne peux poser sur place. Et vais-je encore être malade? Combien de jours allons-nous encore rester sur ce bateau? Non, mon amour, ne t'inquiète pas. La mer est belle et calme. Nous serons en France d'ici quelques heures seulement. Après, je te promets que nous prendrons tout notre temps pour flâner et nous reposer. En effet, la traversée fut des plus agréables. Ils se tinrent un moment sur le pont dans les bras l'un de l'autre, tandis que les jumeaux faisaient le tour du bateau. Ils débarquèrent dans le port du Havre vers midi. De là, une calèche confortable les emmena dans un autre port que Patrick avait choisi. Un de ses amis d'enfance, ayant établi sa vie dans ce petit coin de Normandie, il voulait en profiter pour le revoir et savoir ce qu'il était devenu après tant d'années. Après avoir franchi l'estuaire sur un petit caboteur, la calèche les attendait, et ils n'eurent plus longtemps à attendre pour entrer dans le petit village d'Honfleur. Une des meilleures auberges de la petite ville était située en bordure du port. De là, ils pourraient voir les grands voiliers entrer et sortir majestueusement. L'auberge était simple, mais la tenancière mettait un point d'honneur à ce que son établissement soit propre et douillet. La chambre qu'on leur attribua était meublée succinctement. Les meubles en bois massif de pur style normand assombrissaient quelque peu la pièce, mais des lampes à gaz redonnaient un peu de gaieté, et surtout la cheminée, où un bon feu pétillait, rendait une touche chaude et intime. L'armoire normande pouvait contenir à elle seule tous les vêtements de la famille. Et en dehors de la table de nuit du même style, il n'y avait que le lit. Larme de pluie, fatiguée, s'assit sur ce dernier. Oh, il est si confortable, ce lit, que je resterai bien ici et vous laisserai bien aller vous restaurer tout seul. Oh, il n'en est pas question, chère madame. Cette brave femme m'a fait savoir que notre repas serait bientôt prêt. De plus, elle va faire monter de l'eau chaude pour un brin de toilette. Allez, mon amour, repose-toi en attendant. Mais après, laisse-moi juste quelques minutes. Tu as vu cet édredon? Je crois que ce sont des plumes. C'est léger, mais si chaud. Oui, les Français apparemment aiment le confort. Ce n'est pas moi qui leur en voudrais, ni toi non plus, je me trompe. Oh non, bien sûr, je suis si fatiguée. C'est un vrai plaisir que de se faire dorloter un peu. Une heure plus tard, la famille se trouvait attablée à l'auberge du port dans la petite salle à manger. C'est vraiment délicieux, mon chéri. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, en entrée, c'était du pâté de lièvre, madame, dit la tenancière. Puis ensuite, une sole avec de la bonne crème de chez nous, avec des pommes de terre nouvelles. Et à présent, vous allez avoir une escalope au calvados et finalement, pour le dessert, une tarte tatin. Cela vous plaît, messieurs, dames? C'est excellent, ma bonne dame. Mais comment se fait-il que vous parliez si bien anglais? C'est que, voyez-vous, j'ai épousé un Irlandais. Alors, avec les années, on arrive à apprendre. Un Irlandais? Ben oui, mon bon monsieur, un Irlandais. Et comment s'appelle cet homme? Flanagan, Rory Flanagan. Bon sang! Ça, c'est une surprise. Je me demandais comment j'allais bien pouvoir retrouver ce bon vieux Rory. Et il est là, devant mes yeux. Où est-il donc? Ah, il est en mer, monsieur, voyez-vous. C'est grâce à lui que vous avez dégusté une sole si fraîche. Il est pêcheur, alors? Oh, pas seulement. Il pêche, il chasse, il cultive, et moi je m'occupe de l'auberge et de la cuisine. Vous le connaissez depuis longtemps, mon Rory? Depuis, bon sang, depuis que j'ai l'âge de 10 ans, cela fait si longtemps à présent que je ne suis même pas sûre de le reconnaître. Oh, pour ça, c'est sûr, c'est qu'il a pris un peu de poids, l'animal. Mais il dit que c'est de ma faute et celle de ma cuisine. Que voulez-vous? Ici, on aime la bonne chair, c'est comme ça. Il va rentrer tard cette nuit. Vous le verrez demain au déjeuner. Je vais m'empresser de lui raconter. N'en faites rien, je vous en prie. Je tiens à ce qu'il ait la surprise. Pouvez-vous faire ça pour moi, chère madame? Si ça vous fait plaisir, monsieur Emerson, pas de problème. Oh, la pauvre! Je vois que votre dame ne tient plus. Voyager, c'est fatigant. Rassurez-vous, vous passerez une bonne nuit. Nos matelas sont en laine et cardés chaque année. Quant à nos oreillers et édredons, c'est du pur duvet d'oie venant directement de chez nous. Passez une bonne nuit. Je vous tiendrai votre petit déjeuner au chaud. Prendrez-vous du thé ou du café? Du café, madame Flanagan. Nous ne tenons pas plus que cela au thé. Déjeunons donc à la française. Votre beau pays me plaît de plus en plus. Et à présent, tout le monde au lit. Le soleil pointait déjà depuis quelque temps lorsqu'ils s'éveillèrent, frais et dispos. Le temps d'une toilette, et ils s'attablèrent de nouveau dans la petite salle à manger de l'auberge. Ah, je vois que vous avez tous meilleure mine. Que comptez-vous donc faire aujourd'hui? Il fait beau, le printemps est là, mais attention, le fond de l'air reste frais. Eh bien, pour aujourd'hui, nous irons jusqu'à la lieutenance, regarder les voiliers et les crevettiers arriver. Je crois que cela sera suffisant. Savez-vous où nous pourrions louer une bonne calèche? Oh, si vous permettez, monsieur Emerson, vous n'avez pas besoin de voiture pour aller jusqu'à la lieutenance. D'ici, il faut 10 minutes en flânant. Ah, ce n'est pas pour aujourd'hui. Nous pensions rester quelque temps en France et bien sûr visiter les environs. En ce cas, j'ai ce qu'il vous faut. Mon frère, qui est le docteur, a 2 voitures, dont une découverte, celle-là. Avec ses rhumatismes, il ne prend que celle qui est couverte. Le beau temps arrive et je pense qu'il voudra bien vous louer la première. Si vous attendez que j'aille faire mon marché, je passerai chez lui, lui demander. J'espère que vous savez conduire les chevaux. Ne vous inquiétez pas, en Amérique d'où nous venons, nous avons une grande habitude de ces animaux. Alors c'est parfait. Au fait, monsieur Emerson, mon Rory devrait se réveiller vers le milieu de l'après-midi. Cela vous laisse amplement le temps d'une bonne promenade. Merci infiniment, madame Flanagan. Vous êtes la bonté et la gentillesse même.